t'aime, je pense à toi, ma belle. Je suis là pour toi, t'es comme le sang qui surgit dans mes veines. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. C'est vrai. Je m'aimerais bien vivre à tes côtés lorsque mon